mama papa I'm Angelo Basta. Go. On veut tous de l'or et des milliards, mais pour ça il faut para. La facilité non ça paye pas, sinon tu finiras en tabac. Non je ne crois pas au hasard, faut se lever tôt si demain tu veux kaya. Parle-moi d'oseille et pas ton pas toi, je ne comprends pas, je suis pas Apli Yuku, passe des vaux. Amou Yuku, allons seulement. Apli Yuku, passe des vaux. Amou Yuku, allons seulement. Beaucoup d'épreuves à surmonter, c'est Dieu qui donne envahir à vivre. J'ai pas le temps de regretter, les échecs me permettent d'avancer. Mon cœur est doré mais fermé, faut même pas t'amuser. Je veux du bénéf à la recette, je ne peux plus m'arrêter. Mama papa mama papa ton courage t'emmènera au sommet. Et ta détermination va tout changer. Guerrier, esprit guerrier n'a pas peur de charbonner. Guerrier, esprit guerrier peut jamais reculer. Guerrier, comme le Daichi, je dois marquer mon temps. Avant que moi je gagne temps, j'ai perdu la notion du temps. Mon bara me prend tout le temps. Abli Yugu, passez devant. Amou Yugu, allons seulement. Abli Yugu, passez devant. Amou Yugu, allons seulement. Beaucoup d'épreuves à surmonter, c'est Dieu qui donne envahir à vivre. J'ai pas le temps de regretter, les échecs me permettent d'avancer. Mon cœur est doré mais fermé, faut même pas t'amuser. Je veux du bénéf à la recette.